Voici votre bulletin régional. En janvier, à la galerie Le Harfang, à Whedon, en collaboration avec la Société d'histoire de Whedon, on présentera une exposition rappelant les familles qui ont bâti Whedon.